Trop de brèches de cassure, peu de gars sur cassure. Dans ce bizarre de vislard, dans ce cassure. Que ça perdure, que les casses durent. T'es qu'elle casse toi, vas-y casse toi. Vas-y dégage. Mec de jour en jour, mon flow s'accroît. Toi tu cours toujours à croire. Commençons de Tarba, Tabac. Réponds pas à toi, c'est trop tard, va. Lyrical, Tabza, les gars. Les faits sont tabac, elle pleura sur mon matelas. Matza, dans le rap, pas d'avoir. Moi j'suis ma voix, sans ton rap de pas soi, j'm'assois. Stop, tu t'assoies, des rimes, j'suis las, moi. Tu t'effaces, toi, y'a quoi. J'suis trop pas droit, toi rien que ta voix. Appelle ta mama, moi. T'emmènerai près du magma. Vois comment j'mane là. Rime seul ou avec ma dream team. Rien que ton vril, grill, fil, rap, c'est pas des cans, va. Faut chien la casse, va. Tous les soirs, casse, va. Sous rhum ou calva, rien que ton valka. Fidèle au rap, c'est sacré. Fidèle au rhum, c'est osé. Et sacre à la raïda, j'en sacrois. Rap, le rap et le rhum à la ronde de notre humeur. Toujours des tonnes, des rimes. On parle d'erreur, on parle du cœur. On parle de frime, de fric, d'aigreur. Toujours des tonnes de rimes dans notre sac. On t'envoie ça, tu sais, tu sais que. Manteau, dissèque ça, sans distinction. Averaïdas, disons, disons, nous visons toujours droit vers l'horizon, nos visions. Viser le rap, sans piston ou fiston. On a le sang pour vice, le sud nous suit, avise, jour après jour dans notre vie. En espérant la vie de rêve, de toute façon, c'est marche ou crève. Alors pour le moment, avec les conseils de maman, c'est pas un tourment ou un faisant le prêt charmant. La vie, je la charmerai. Je la charmerai.